jours sont partis. À ceux qui croient toujours aux forces du lendemain, à mes amis que je compte sur les doigts de ma main. Je n'oublie pas les moments ni le présent. Vous êtes là. Je ne remets pas à demain le moment de se revoir. De se revoir. À tous ceux qui m'ont tendu la main quand je n'allais pas bien. À tous ceux qui m'ont dit merci quand je leur ai serré cette main. La vie vous doit bien plus qu'à moi. Sachez que ces moments précieux sont gravés dans ma mémoire, ma mémoire. Mes amis partis, à ceux qui se sont enfuis, que je ne reverrai jamais, à ceux qui m'ont aidé, à ceux qui ont souffert, à ceux qui m'ont aimé. J'aimerais simplement vous dire merci. Mes amis, je voulais simplement vous dire